Bonjour et bienvenue dans les clés du succès, votre rendez-vous qui raconte l'histoire secrète des chansons. Aujourd'hui, je vais m'intéresser cette fois-ci à une bande originale d'un film, Titanic, avec la chanson My Heart Will Go On de notre québécoise favorite Céline Dion. À la fin de l'année 1997, un film américain relatant le naufrage du fameux paquebot Titanic connaît un immense succès mondial. My Heart Will Go On, la chanson thème de la bande originale de son long métrage, est interprétée par Céline Dion, qui en fait un hit planétaire. Gros plan sur la naissance de ce titre que Céline a bien failli pourtant ne jamais interpréter. Film phénomène du XXe siècle, Titanic a battu tous les records et reste inscrit dans la légende du cinéma. La chanson du générique de fin, My Heart Will Go On, a également connu un succès retentissant, obtenant même un Oscar de la meilleure chanson originale à Hollywood. Pourtant, au départ, ce titre a bien failli ne jamais exister. Au mois d'avril 1997, le compositeur James Horner rencontre à Las Vegas Céline Dion et son mari René Angélil. Il leur explique alors qu'il est en train de travailler sur la bande originale d'un film réalisé par James Cameron, sur le naufrage du Titanic. Dans une suite du César Palace, James Horner joue au piano et chante pour Céline et son mari le thème principal du film sur les paroles de Will Jennings. Céline, installée derrière Horner, fait signe discrètement à René pour lui faire comprendre qu'elle n'aime pas du tout cette chanson. En plus, à ce moment-là, la chanteuse avait déjà signé plusieurs thèmes de films et ne se voyait pas enregistrer un de plus. À la fin de la démonstration, James Horner explique à Céline et à René Angélil que le réalisateur James Cameron ne souhaite pas inclure de chansons sur la BO de son film. Pour le faire changer d'avis, Horner aimerait bien que Céline enregistre une maquette. René, ayant bien vite compris le potentiel d'une telle opportunité, ignore les signes de désapprobation de sa femme et propose au compositeur de les retrouver un mois plus tard au studio Hit Factory de New York. Avec une bande orchestrée de la chanson, comme Céline, elle sera en plein d'enregistrement de son nouvel album Let's Talk About Love, le manager propose à Horner qu'elle enregistre en même temps une maquette pour les faire écouter à James Cameron et peut-être le faire changer d'avis. En mai 1997, James Horner retrouve donc Céline Dion et son mari au studio Hit Factory de New York avec un playback de la musique My Heart Will Go On. Avant l'enregistrement, James Horner rencontre Céline Dion raconte à Céline Dion plusieurs détails du scène du film et notamment celle où un couple de personnes âgées s'enlace pour mourir l'un contre l'autre en entendant l'eau envahir leur cabine. Il décrit aussi la tendresse d'une maman qui en entendant la fin chante une berceuse à ses enfants. Peu à peu, Céline perçoit toute l'intensité du drame et la beauté du film, elle parvient à s'en inspirer pour enregistrer la chanson. Le jour de l'enregistrement, Céline Dion n'est pas au mieux de sa forme sur le plan vocal. Même si elle ne l'a jamais fait, comme elle sait qu'il s'agit que d'une maquette, elle prend ce jour-là un café noir qui lui provoque une accélération du rythme de la voix. Malgré cela, l'enregistrement est parfait et éblouit les dirigeants de Sony Music en studio ce jour-là. Après avoir écouté cette maquette à plusieurs reprises, James Cameron accepte d'inclure la chanson au générique du film, tout en redoutant les critiques des médias. Finalement, il ne regrettera pas, puisque la chanson s'est vendue à 104 millions de CD à travers le monde. Pour l'anecdote, aucune prise de voix ne sera réalisée et c'est la version de la maquette qui figurera sur la BO du film et sur l'album. Pour la petite histoire, lorsque Céline Dion interprétait My Heart Will Go On en live, comme ce fut le cas notamment le 19 et 20 juin 1999 au Stade de France, son vibratoire est beaucoup moins rapide que sur le disque car ce jour-là n'avait pas pris de caféine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires sur la vie secrète des chansons. Time and love.